France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Au lieu de la musique traditionnelle de Broadway, une comédie musicale avec des voix a cappella, des voix de tête, des doo-wop, du rhythm and blues, bref, une comédie musicale avec le son des années 50 alors que nous étions en plein son psychédélique des années 70, une musique loin des standards de Broadway. C'est ainsi que Jim Jacobs raconte la naissance de Grease, la comédie musicale. Au départ, un tout petit spectacle créé par des comédiens amateurs à Chicago qui fera un triomphe lors de son arrivée à Broadway, puis lors de l'adaptation au cinéma avec John Travolta et Olivia Newton-John. Mais Grease, c'est bien au départ une comédie musicale pour la scène. Un spectacle actuellement à l'affiche au Théâtre Mogador. Et ce matin, en direct du Studio 105, nous avons la chance de recevoir en direct la troupe et l'orchestre au complet de Grease. Ils sont venus, ils sont tous là, ils sont bien 30 sur la scène du Studio 105 de Radio France. Ils ont peu dormi cette nuit, ils rejoueront tout à l'heure à 15h, mais ils aiment la comédie musicale et on est heureux de les recevoir. Ils viennent pour nous proposer de larges extraits de cette comédie musicale, et notamment le début que vous connaissez par cœur. Danny Zuko, Sandy Dubrovski se sont donc rencontrés durant les vacances. Ils ont un peu flirté, et puis à la rentrée, chacun raconte son été à sa bande d'amis. Ils ne savent pas encore que les deux sont désormais au même lycée, sur la scène du Théâtre Mogador. Et ce matin, à France Musique, Alizée Lalande et Sandy, Alexis Loison et Danny Zuko et Dominique Trottin dirigent l'orchestre de 8 musiciens. J'aimerais être avec elle. Cette émission 42e rue est filmée, comme vous le savez, les comédiens ce matin de gris arborent de très beaux t-shirts noirs aux couleurs de grise et vous ne les voyez pas par contre dans leur costume, ils sont en Bermuda lorsque le rideau de scène s'ouvre au début de cette comédie musicale actuellement à l'affiche à Mogador. Je vous présente pour commencer l'orchestre au complet qui a répondu présent ce matin sous la direction de Dominique Trottin, Charlotte Gauthier au piano, Maxence Naudet à la guitare, Valérie Picard à la contrebasse, Jean-Pierre Solves au saxophone, Lorenz Reiner à la trompette, Gwen Badou au trombone et Didier Guazzo à la batterie. Alors, vous l'avez compris, Summer Nights, c'est une chanson qui présente les principaux personnages de Grease, une comédie musicale qui se déroule à la fin des années 50 en Amérique, moment de départ, à la fin des années 50, de la libération sexuelle, le moment aussi où le rock'n'roll arrive. L'œuvre se déroule dans un lycée de la banlieue de Chicago, le lycée Rydell. Il y a la bande des filles, les Pink Ladies, et puis la bande des garçons, les T-Birds. La partition est en fait formée de nombreux pastiches de chansons. Par exemple, écoutez cette chanson enregistrée dans les années 50 par The Tiggers. Eh bien, les auteurs ont choisi, c'était d'ailleurs l'une des toutes premières chansons qu'ils écrivent pour le spectacle, de pasticher ces paroles. Ça sera pas Eddie My Love, mais Freddie My Love. Alors, les auteurs étaient biberonnés par Elvis Presley, par Little Richard, et cette chanson, ils la mettent dans la bouche d'une des filles, Marty. Elle retrouve ses copines dans sa chambre. Elles sont très libérées, elles fument, elles boivent, elles ont des boucles d'oreilles, elles sont bien ensemble. Et l'une d'elles raconte son amour platonique pour un militaire stationné en Corée. Voilà, elle est très intéressée comme fille. Elle est incarnée sur scène par Sarah Maness, entourée de Floris Souris, Véronique Atta, Astou Malva Gueye et Dorian Bay. Courrier, my love, toi seule c'est ma surexcité. Quand le facteur m'apporte un colis du Japon, j'ai des sueurs qui me font perdre la raison. Merci mon cœur pour ces chaussons, ils sont canon. Freddy my love, Bobby chéri, Bobby chéri, Kenny mon chéri, mon chéri. Chou, ton absence est plus dure que tout. Sarah Maness, Freddy My Love en direct au studio 105 de France Musique. Bonjour Éric Lousteau-Carrère. Bonjour. Vous êtes producteur, oui. Exécutif de ce spectacle. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'être venus si nombreux ce matin. Bonjour Véronique Bandelier. Bonjour. Vous êtes la metteuse en scène résidente, comme on oui, dit. Oui, exactement. Et bonjour Nicolas Angèle. Bonjour. Vous êtes l'adaptateur en français. Tout à fait. Et alors la première chose qui saute aux oreilles, ce sont les paroles en français. On connaît les chansons du film, évidemment. Alors comment on se dit quoi? On se dit c'est impossible de traduire en français ces paroles-là. On se dit il faut traduire certaines choses et pas tout. Comment on procède? Bah, ça nous a posé beaucoup de questions et on a travaillé en équipe avec Dominique Trottin et Véronique Bandelier quant à savoir ce qu'il fallait traduire pour restituer au mieux le message, le sujet du spectacle qui est la jeunesse américaine qui se libère dans les années 50. Et on avait l'impression, parce qu'on a essayé de tout traduire, que si on traduisait tout en français, on se retrouvait avec quelque chose un peu à la « Salut les copains » quand on traduisait justement les chansons des années 50 en français, d'un peu trop doux. On ne retrouvait pas le groove original et on a choisi du coup de laisser un maximum de choses dans le spectacle en anglais afin de restituer ce sentiment original qu'on a en entendant la chanson. Et aussi évidemment que tous les gens qui aiment et se souviennent, qui ont des souvenirs par rapport à Grease qu'ils ont généralement entendu en boîte de nuit quand ils étaient jeunes, qui retrouvent cette Madeleine et qui aient le plaisir de danser de nouveau sur ces chansons-là. Éric Lousteau-Carrère, vous travaillez au Théâtre Mogador depuis presque la création, la reprise par Stage Entertainment de ce théâtre. C'est la première fois que j'entends chanter en anglais au Théâtre Mogador. Pourquoi tout d'un coup vous... Et parfois, voilà, c'est vrai qu'on allait voir Cats, c'était en français, on allait voir Sister Act, c'était en français. Pourquoi là avoir décidé, vous, en tant que producteur, de mélanger les deux? Nicolas l'a bien expliqué, il y a la volonté, on fait du théâtre musical, donc on a la volonté que les gens, le maximum de gens comprennent bien ce qui est expliqué, c'est du théâtre avant tout. Malgré tout, comme il l'a dit, au niveau des chansons, du groove, de l'esprit de Grease, on s'est dit qu'une partie pouvait rester en anglais. Il n'y a pas d'interdit, c'est juste une question de réflexion par rapport au sujet. Qu'est-ce que ça apporte de laisser un peu en anglais, laisser un peu en français? On sait aussi que le public français aime beaucoup les versions anglaises. Mm-hmm. Donc voilà, c'était un équilibre à trouver. On a testé, on a même traduit certaines chansons. On les a essayées en français, on est revenu en anglais, on a mixé. Enfin, voilà, La première chanson, par exemple, qui avait de l'anglais, qu'on a entendu là, Summer Night, c'est un mélange un peu de français et d'anglais. Ouais, on a même testé des chansons complètement en français, complètement en anglais, puis à la fin on a décidé celle-là en français, celle-là en anglais. Enfin, c'est un travail d'équipe, on essaye, on voit ce qui fonctionne le mieux pour le spectacle et pour le public. Alors, pourquoi remonter Grease à Paris et comment le remonter, Véronique Bandelier, vous qui êtes metteuse en scène résidente? Écoutez, après ce qui s'est passé au théâtre, on s'est dit... Vous voulez dire le début d'incendie qui la fermeture annulé, du théâtre pendant un an. Voilà, qui a annulé la représentation du fantôme de l'opéra. Il y avait plusieurs choix, pour plein de raisons différentes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais Grease était un des spectacles qui pouvait être choisi. Et on s'est dit que c'était bien de réouvrir le théâtre avec un spectacle aussi frais, aussi jeune, aussi Grease, comme vous l'avez dit un peu, c'est le spectacle des premières fois, donc réouvrir avec une première comme Grease, c'était rafraîchissant pour tout le monde, pour les équipes dans le théâtre et puis pour le public en fait, parce que c'est les années 50, mais c'est pour ça aussi qu'on a décidé de le monter de manière un peu vintage, rétro, mais actuelle, et avec le cast génial qu'on a eu la chance de trouver. Je voudrais saluer Rabah Aliouane, qui est le directeur de casting, qui est dans la salle avec nous. On a un cast génial qui symbolise toute cette jeunesse, cette fraîcheur, et c'était un choix positif. Alors Véronique, Éric et Nicolas, on connaît tous le film. Qu'est-ce qu'on retrouve du film et qu'est-ce qu'on découvre par rapport au film qu'on connaît tous avec John Travolta et Olivia Newton-John dans ce spectacle? On retrouve forcément Alexis Loison qui interprète John Travolta et Alizé Lalande, Olivia Newton-John, avec justement un travail très spécifique sur leur personnalité, sur qui ils sont. On voulait absolument pas faire du copier-coller. On a gardé exactement la trame du spectacle, mais justement avec une incarnation des des personnages très spécifiques, très françaises, sans oublier l'esprit américain, l'esprit des années 50, cette jeunesse. Et c'est ce qu'on a vraiment essayé de travailler avec eux pendant toute la période de création. Il n'y a pas de surprise incroyable, sauf celle qu'ils donnent en tant qu'artiste et en tant qu'interprète et comédien, chanteur. Donc voilà, toute cette découverte. Alizée Lalande reprend donc... un challenge, le rôle qu'on connaît tous incarné au cinéma par Olivia Newton-John. Voici une chanson que vous avez décidé de traduire en français. En anglais, elle s'appelle Hopelessly Devoted to You. On est à quel moment, Nicolas Angel ? Eh bien, Sandy a retrouvé Danny Zuko au lycée et devant ses copains, il n'assume pas complètement d'être sorti avec elle pendant l'été. Et elle se sent complètement délaissée et elle aimerait l'oublier, mais n'y parvient pas. Et vous l'avez traduit par ? Ah, je ne peux me passer de nous. En direct au studio 105 de France Musique. La vie était si simple avant toi. Mon cœur battait sans y penser. Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Alizée Lalande, bonjour. Bonjour. Alexis Loison, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin sur France Musique en direct. Je vous propose, juste avant de vous rencontrer, de vous découvrir, on ne vous connaît pas forcément, eh bien, une chanson qui n'a pas été conservée dans le film. Il n'y a pas les mêmes chansons exactement dans le spectacle de Broadway et dans le film avec John Travolta et Olivia Newton-John. Et donc, elle n'est pas non plus dans le spectacle, dans cette reprise au théâtre Mogador, mais je trouvais qu'elle donnait l'esprit du son, l'esprit pastiche de Grease lorsque le spectacle a été créé dans les années 70. C'est le moment où vous, Alexis, Dany, vous emmenez Sandy au drive-in pour voir un film. Voilà, c'est la culture des voitures, du rock'n'roll. Le drive-in, c'est vraiment l'endroit parfait pour sortir une fille dans ces années-là. Mais elle s'énerve, elle sort de la voiture en les laissant seules alors qu'il lui crie qu'on ne rentre pas à pied d'un drive-in. Un extrait de Grise à sa création, vous le feriez mieux que moi, hein, Alexis. Je ne suis pas non plus comédien, mais vous voulez le faire, cette réplique? Non, je laisse le crédit à John Travolta. Un extrait de Grise à sa création, avec dans le rôle, alors, en 70, celui qui a créé Dany s'appelle Barry Bostwick, et les orchestrations de l'époque. I'm all alone at the drive-in movie. It's a feeling that ain't too groovy. Watching werewolves without you. Backpack seat, all alone, just ain't too neat. At the passion pit, wanting you. And when the intermission elf moves the clock box hands, while he's eating everything sold at the stand, when there's 1 minute to go till the lights go down low, I'll be holding the speaker knobs, missing you so. Can't believe it. Et Nicolas Angel, qui est très au fait de l'histoire de la comédie musicale, qui me rappelle que Barry Bostwick est... Brad dans le Rocky Horror Picture Show. Mais oui, dans le film. Alexis Loison, votre chanson, vous, c'est pas celle-là du coup? Non, je suis ravi d'interpréter Sandy, ouais. C'est une chanson qui a été spécialement écrite pour le film, pour John Travolta. Alexis Loison, Alizé Lalande, quel est votre parcours? Comment êtes-vous arrivé et tombé dans la comédie musicale? Moi, quand je suis monté à Paris, j'ai intégré les cours Florent et c'est là-bas que j'ai découvert une section comédie musicale qui était à l'époque dirigée par Michel Durand, qui l'est toujours d'ailleurs, et Frédéric Farina. Et donc, par curiosité, cette année-là, justement, ils montaient Grease en spectacle de fin d'année et ils cherchaient un Dany. Et donc, du coup, bah, j'ai passé l'audition pour le spectacle de l'école Et voilà, et c'est comme ça que je me suis mis un petit peu à la comédie musicale. Et parce que je voulais bien faire les choses, j'ai pris aussi des cours de chant et de danse en parallèle. Et voilà comment ça m'a intéressé. Et puis la même année, j'ai découvert Le Roi Lion au Théâtre Mogador. Et ça a été une vraie révélation pour moi. Ouais. Et vous, Alizé? Ben moi, c'était un peu par hasard aussi. J'ai commencé par le théâtre. Et je prenais des cours de chant lyrique au début au conservatoire du 5e. Et puis j'ai commencé à passer des auditions. Enfin, j'ai trouvé des auditions sur internet et ça m'a plu. J'ai décroché le rôle de Podane au théâtre de la Madeleine. Et j'ai continué sur ma lancée comme ça. Tout s'est très bien enchaîné et ça me plaît quand j'ai quelque chose à interpréter. J'aime bien ce milieu. Alors, on vous a vu notamment dans le rôle de Fleur de Lys dans la reprise de Notre-Dame de Paris. Oui. C'était l'an dernier. Là, pour entrer dans le rôle d'Olivia Newton-John, c'est un film qui vous a marqué, Grise, ou c'est un vieux film pour vous? Oui, vraiment. C'est un des classiques qui passait beaucoup à la maison. Ouais. Ouais. Et pour entrer dans le rôle, c'est un personnage. J'ai essayé de le rapprocher le plus possible de moi. Donc, voilà. Après, puis de respecter aussi ce qu'a fait Olivia Newton-John parce que les fans de Grease, bah voilà, attendent quelque chose de particulier, de la nostalgie du film. Donc, on a essayé tous les deux de recréer un peu cette nostalgie. Ce qui m'impressionne beaucoup quand je vois le spectacle, c'est que vous avez pas mal de numéros dansés aussi. C'est quelque chose en plus, hein. C'est pas que le théâtre. Ça vous a demandé. C'est quelque chose que vous faisiez par ailleurs déjà? Non, j'ai fait de la danse beaucoup plus jeune, mais là, j'ai dû vraiment, oui, reprendre des cours de danse et travailler beaucoup plus que les autres pour essayer d'être au même niveau. Quel genre de danse vous devez interpréter sur scène qui est un peu compliqué pour vous? Le moment du bal, je pense, le bal de promo, comme c'est le moment en plus où on attend Dany et Sandy, dans le film, ils sont très charismatiques, ils sont très beaux, donc on n'avait pas envie de décevoir le public, donc on a vraiment travaillé. Et voilà. Ouais. Et vous, Alexis Loison, parce que Alexis Loison, on vous a vu, bon, vous nous avez tous marqué dans le rôle de Gaston, ce macho incroyable dans La Belle et la Bête, c'était au Théâtre Mogador, il y a quelques années maintenant. Et puis on vous a vu aussi dans l'adaptation de La Belle et la Bête au cinéma. Mm-hmm. Vous étiez un des acteurs aux côtés d'Emma Thompson dans cette adaptation hollywoodienne. Vous, la danse, c'est quelque chose que vous aviez aussi déjà autant travaillé? Oui, je l'avais plus ou moins travaillé pendant ma formation. Après, c'était pas ma qualité première, je pense. Mais c'est vrai que là, pour l'audition et pour le spectacle, Alizé et moi, on s'est vraiment plongé là-dedans parce qu'on voulait vraiment donner au public ce qu'on a ressenti peut-être nous en voyant le film. La première fois, quand on voyait Travolta et Newton-John danser, on était vraiment dingue. Et donc, on voulait vraiment pas décevoir les attentes et on voulait faire vraiment au mieux, ouais. On essaye de récupérer la dégaine de John Travolta quand on joue le rôle créé par John Travolta dans le film. Il a une dégaine comment ? Oui, c'est une démarche, c'est une attitude, c'est des postures. Et puis, c'est vrai que moi, je me suis complètement laissé tomber là-dedans parce que je voulais donner au public le Travolta, le Danny, pardon, le lapsus. Je voulais vraiment donner le Danny que moi, j'aurais aimé voir sur scène. Un peu gosse, hein ? Très gosse même. Un peu gosse, oui, bien sûr, parce qu'ils sont au lycée, c'est encore des gamins, et c'est ça qui est drôle, parce que c'est des gamins qui se prennent pour des adultes, en fait. Alors, on va retrouver ce moment où vous êtes avec votre petite amie, enfin, avec Sandy, en tout cas, au drive-in, et puis voilà, elle vous plaque, et vous vous retrouvez seul dans la voiture. C'est donc une chanson, non pas celle qu'on a entendue, mais une nouvelle chanson qui a été interprétée, qui a été créée pour le film. Et donc pour John Travolta, une chanson qui s'intitule tout simplement Sandy et qui a été adaptée en français par Nicolas Angel en direct au studio 105 de France Musique. Largué au ciné comme un crétin, je serai la risée lundi matin. Sandy, je t'en prie, reste dans ma vie. Nos jeux d'été sont terminés, il fait froid dans ma nuit. S'est enfui, il nous a dit goodbye, aïe aïe, goodbye, c'est fini, oh Sandy, oh Sandy, baby, s'il te plaît, donne-moi la main, oublions le paumé. Écoute-moi un peu. Donne-moi une dernière chance et je te promets que je pourrai être celui que tu veux. Alexis Loison, Sandy, Extrait de la comédie musicale Grise, actuellement à l'affiche à Mogador et ce matin en direct avec tout l'orchestre au studio 105 de France Musique. Alors Grise, on l'a raconté, raconte la jeunesse de la fin des années 50 aux États-Unis, l'émancipation sexuelle et puis ce spectacle joue avec les clichés. Alors les héros certes sont Danny et Sandy, mais à Broadway c'était aussi leurs amis qu'on voyait, qui étaient mis en valeur chacun. Certains ont droit à des chansons, il y a Kenny qui adore briquer sa voiture, et puis il y a par exemple Frenchie. Elle rêve d'un monde meilleur. Voilà. Elle rêve d'aller dans une école de beauté, une école d'esthétique. Elle va quitter le lycée pour vivre son rêve, et elle rêve, comme dans les films d'adolescente des années 50, qu'il y a un ange gardien qui va la guider. Et miracle, cet ange gardien arrive. Alors, cette chanson est un pastiche, et juste avant d'entendre Sébastien Lemoine dans le rôle du cruel ange gardien, car vous verrez, il est cruel, je vous fais écouter juste un petit bout de cette chanson des Penguins. Alors ça s'appelait Earth Angel. C'est un modèle, ce fut un modèle pour les compositeurs de Grease, puisque cette fois-ci, cette chanson pastichée est mise dans la bouche d'un ange gardien, un petit peu mal poli. Une chanson qui s'intitule « Arrête de rêver ». Cet ange gardien s'adresse à cette jeune étudiante qui s'appelle Frenchie, en direct sur France Musique. Je viens du paradis résoudre les soucis des ados mal dans leur peau comme toi. Ton avenir est incertain, ta carrière oh, dans le pétrin. Tes cheveux ont l'air d'une barbe à papa. On est jeune, on est naïf, mais tu n'es pas doué. C'est tout un art de couper les tufs. Tu manques de style, d'élégance, de classe, de savoir-vivre et j'en passe. Tu échoues à tous tes examens, tu raterais même un shampoing. Ne va pas penser que tes rêves se réaliseront. C'est ce métier exige des prédispositions. Si tu lâches le fer à friser, si tu retournes au lycée, yeah. Avec un peu de poutre, tu finiras dactylo. Arrête de rêver, arrête de rêver. Cesse de planer sur tes talons. Ne va pas penser. Mieux que ça. Ferme-la, ma grande. Tu sais, j'en ai vu des cas désespérés. Une vie pleine de rock, de drogue et d'alcool. Tout ça pour finir où? Dans tes rêves. Si tu crois que ça m'amuse, alors écoute-moi bien une bonne fois pour que j'ai pas à revenir. Tu retournes à l'école et tu termines tes études parce que dans ce monde cruel, c'est la seule branche à laquelle tu puisses t'accrocher. Évidemment, c'est pas gagné. T'y arriveras pas, c'est pas pour toi, un point c'est tout. Tu sais, c'est comme ça, t'y es pour rien si t'as pas de goût. Le fond de teint, tu le mets comme si c'était la pâte à tartiner. Arrête la casse, retourne. je remonte bois un whisky au bas du paradis. Il en fait des tonnes, il en fait des tonnes, Sébastien Lemoine, dans le rôle de cet ange gardien, qui est accompagné, Véronique Bandelier, par un chœur de jeunes filles. Là, aujourd'hui, comme vous avez dans les Maria, Véronique, Mélissa, Emmanuel, Lily, Fanny, voilà, ouais, 6 filles magnifiques, des anges, des beautés. Dites-nous votre tenue, Sébastien Lemoine, lorsque vous interprétez cet ange gardien mal poli. Alors, je suis déguisé en Elvis Presley, enfin un mix entre Elvis Presley et Johnny Hallyday. C'est mon rêve, en fait. C'est mon rêve à moi qui se réalise. En fait, c'est coup. Vous, oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Vous avez vraiment la voix de rocker, Sébastien Lemoine. Moi, je vous connaissais dans Les Brigands. Ouais. Vous avez vu dans Ta bouche. Ouais. Vous avez joué dans Wonderful Town de Leonard Bernstein avec Kim Criswell. Voilà. Vous avez fondé le groupe des Stentors. Et déjà, il y avait un petit lien avec ce genre de chansons. Et là, vous êtes tout à fait dans votre milieu. Oui, un parcours un peu atypique de l'opéra à la comédie musicale. Voilà, la comédie musicale, je savais qu'il fallait un petit peu danser. Donc moi, j'ai pris des cours, comme Alexis Alizé, mais moi, je les ai pris par correspondance. Donc j'ai pas reçu toutes les lettres. Donc c'est pour ça qu'on m'a mis dans le fond de la scène et je danse un peu moins que les autres. Voilà. Alors, c'est à vous qu'on revienne les chansons de crooner des années 60, des années 50, en fait. Quel genre de chansons vous interprétez sur scène, alors? Je chante l'air du bal, le rock vraiment du bal, qui fait danser tous les petits jeunes. Et puis, je chante une très, très belle chanson aussi, mais qui est aussi très, très bien chantée par Dorian, à un moment qui s'appelle Magic Changes. Voilà, Magic Changes. Je le savais. Hein. Magic Changes. Et puis, cette chanson magnifique qui a été magnifiquement adaptée par Nicolas, parce que c'est vraiment savoureux à chanter. Les barytons à l'opéra, on aime bien être les méchants, mais là, c'est un gentil méchant quand même. Et ça fait quoi, là, de jouer, ça fait quoi, 180 représentations déjà que vous avez dans les 180 représentations par jour. Enfin, oui, c'est l'impression que j'ai, moi. Ça va, la voix tient, parce que ça change de l'opéra, pour le coup. Exactement. Ah oui, à l'opéra, on fait 3 représentations en un mois, et là, on en fait des fois, enfin, 2. Là, ce matin, on en a fait 2 hier, on en fait une ce soir, enfin, c'est les 3-8, quoi, voilà. Mais non, mais c'est génial parce que justement, on découvre des capacités insoupçonnées, quoi. On découvre des possibilités, la voix, tout s'habitue, le corps s'habitue. Et puis moi, je dois dire que ce qui est absolument incroyable et ce qui me fascine, c'est le plaisir qu'on a. Vous savez, dans les productions, on dit toujours « Ah, c'est vachement bien, c'est super, on s'entend bien », mais là, c'est vrai. Et non mais généralement, et pour la première vous fois que c'était pas vrai. Non mais ça nous parce que bon c'est pas toujours vrai, il y a toujours des petits trucs mais là à part une ou deux personnes les autres sont super vrais. Alors Dominique Trottin en face de vous par exemple, plutôt bien ou plutôt pas bien? Dominique alors c'est un vieux copain, on a fait directeur musique, vous avez fait on a fait l'opéra de Katsu ensemble plein de choses, c'est vraiment un complice, voilà. Dominique Trottin, merci d'avoir amené vos 8 musiciens vous aussi ce matin. Un grand plaisir. C'est un pastiche, en fait, Grise. On le découvre un peu à travers cette émission. C'est un pastiche des années 50, finalement. Absolument. Et le travail dans l'orchestration que j'ai fait, en collaboration avec les musiciens, bien sûr, de retrouver les couleurs des années 50. Moi, par mon parcours, j'ai essayé d'apporter aussi, parfois, dans certains numéros, je peux vous montrer un exemple, si vous voulez, d'ailleurs, des couleurs un peu plus classiques, par exemple avec l'utilisation de la clarinette basse dans l'air de Sandy, si vous voulez. Vous voulez que je vous montre l'exemple? Mais oui, par exemple. Alors expliquez-moi ce que vous allez nous montrer. Alors, c'est tout à fait improvisé. Hein, bien sûr. Je vous connais. dans l'air de Sandy, normalement, normalement l'intro est joué au saxophone. Vous allez l'entendre dans l'original. Qui joue du saxophone? Monsieur Solvès, Jean-Pierre. On peut applaudir. 1, 2, 3, et... Voilà, donc ça c'est un concept, c'est une couleur qui est très années 50, oui. Et moi je voulais que ce soit une couleur un peu plus gros, chamiolant, vous voyez, un gros chat qui ronronne, pardon, plus exactement. Et pourquoi vous vouliez que ça soit un peu plus chamiolant? Parce que j'aime les chats, c'est pour ça. Non, mais sinon... je voulais vraiment une rondeur, vous allez écouter la différence. D'accord. 2, 3, et... Merci Jean-Pierre. Merci Charlotte. Ça adoucit le personnage. Hein. C'est ça, ça, ça adoucit le personnage, voilà. Ouais. Et ça, ça a été, quand on a monté le projet, il y a maintenant 14 mois, avec Eric, on parle beaucoup avec Véronique et Nicolas. Nicolas dit que le travail qu'on a fait sur l'adaptation. Décider du nombre de musiciens, on a décidé 8. Il fallait vraiment une section rythmique, les deux guitares, donc la basse et la guitare, la batterie, les deux pianos, qui sont synthétiseurs, pour avoir des couleurs aussi, les cordes, les sonorités, les harpes, les glocks, comme vous avez entendu là, le Celesta dans l'air de notre ami Teen Angel, et bien sûr le saxophone, la trompette et le trombone. Qu'est-ce qui faisait le son des années 50 de ces chansons? Alors, c'est pour ça qu'on utilise le synthétiseur. Il y a beaucoup de sons des pianos Fender, des pianos un peu électriques, les orgues Hammond. Et ça, ces couleurs-là, j'ai beaucoup travaillé avec le programmeur informatique pour trouver des sons qui collent vraiment à ces années-là. Et je me rendais pas compte qu'il y avait autant de cuivre dans le son des années 50. Oui, il y a l'héritage du jazz. Enfin, le jazz, on y est. Donc, il y a beaucoup de barrières, des frontières qui sont très vite ouvertes dans cette musique-là, entre le jazz, le blues, etc. Oui, donc beaucoup de cuivre, oui. Alors, je vous propose d'entendre l'orchestre tout seul, si vous voulez bien. Non pas quand on a trop des artistes comédiens qui savent chanter ce matin au Studio 105, mais juste voilà, pour entendre l'orchestre dans sa splendeur, dirigé par Dominique Trottin. C'est ce qu'on appelle l'exit music. À Broadway, il y a des codes comme ça. Quand le public sort de la salle, une fois que le rideau est terminé, il y a toujours une musique un petit peu enlevée pour qu'on sorte avec le pied léger. Et c'est celle qui accompagne les spectateurs à la fin de Grease. Deuxième rue, Laurent Vallière, France Musique. Et maintenant, rencontrons une autre héroïne de Grease, cette comédie musicale qui est ce matin en direct au Studio 105 de France Musique. C'est une autre jeune adulte un peu décalée. Elle est chef de bande, les Pink Girls. Elle est, à vrai dire, assez dure au départ avec Sandy, qui est une sorte de jeune ingénue qui atterrit dans ce lycée, un peu trop dans les bonnes manières. La première chanson de Rizzo se moque carrément de Sandy. Et puis, on va découvrir un peu plus l'écorchure de ce personnage. C'était à elle que revient un des moments les plus forts du spectacle, pas fort, mais un des plus marquants. On appelle ça à Broadway le numéro de 11h du soir. C'est censé réveiller les spectateurs qui peuvent peut-être s'être endormis, ceux qui sont arrivés à 8h. Et donc, je vous mets la pression là, Emmanuel Nzuzi. Hein. Non, remarquez, ça va être le numéro de 11h44. On est tout à fait raccord. Une chanson qui s'intitule en anglais « There are worse things I could do ». Et Nicolas Angel, vous voulez bien me dire comment vous l'avez adapté en français? On l'a appelée la chanson de Rizzo parce que on a. Oh bah alors là, vous êtes là, dans le programme, c'est la chanson de Rizzo. Et donc ça commence, vous êtes tous à ricaner. Enfin, c'est comme ça que j'ai adapté There are worse things I could do. On peut dire que c'est la chanson de la libération sexuelle un peu, celle-là? Je sais pas si je dirais ça. C'est la chanson du personnage incompris la chanson de la libération sexuelle. Véronique, viens à ma rescousse. Je le vois pas comme Véronique ça. Non, je le vois pas comme ça non plus. la libération sexuelle, bah c'est plutôt un peu l'expression de la liberté et de se dire en fait que tous les codes qu'on donne aux adolescents à cet âge-là, elle fait tout péter et elle a envie de faire ce qui lui correspond, qui elle est, et que l'éducation d'où elle vient, l'éducation des autres, c'est chacun son histoire et son histoire c'est celle-là, et ce qui est est le plus important, c'est ce qu'elle véhicule à l'intérieur d'elle et pas tout ce qu'on croit qu'elle est. La chance... je le résume comme ça. Merci. De toute façon, les paroles sont en français, donc vous allez tout comprendre. Hein. Emmanuel Nzouzi incarne Rizzo et est en direct ce matin sur France Musique. Vous êtes tous à ricaner dans mon dos toute la journée. Vous êtes tous à me juger, à me traiter de traînée. Peut-être avez-vous raison, mais n'est-il pas pire au fond? De jouer les saintes nitouches, qui a qui je puis bottant. Emmanuel Nzouzi, ben voilà, vous avez réveillé tout le monde à 11h48, parfait. Vous êtes réveillé? Ça a marché. Oui, j'espère. Grise, vous, c'est quelque chose qui évoquait quelque chose? Ben, complètement, des souvenirs d'enfance. Après, j'aurais jamais pu m'imaginer jouer ce rôle, vraiment, parce que il est très différent de moi et en même temps, au fur et à mesure de la construction du spectacle, on y trouve vraiment des similitudes et c'est comme ça qu'on le construit. Mais vraiment, je, pour moi, c'était quelque chose d'ailleurs. Voilà. Pourquoi vous dites qu'il est très différent de moi? C'est une période sur laquelle vous ne vous projetez pas du tout, les années 50, l'Amérique? Déjà, physiquement, il est très différent de moi. Donc, je pensais que, à vrai dire, quand on adapte une comédie musicale... qui est tiré d'un film. Je pensais qu'on allait vraiment s'attacher à la vraisemblance sur l'intégralité des personnages et je suis ravie de voir que la production a fait certains choix. Et puis, est-ce qu'il est différent de moi? Peut-être cadeau, j'ai peut-être été un petit peu une Rizzo. mais disons qu'il faut plonger en soi pour trouver certaines de ces choses qui l'animent et qui la traversent et qui peuvent être dures aussi à faire ramener à la surface. Alors, on ne pourra pas... Moi, je suis impressionné, Véronique Bandelier parlait tout à l'heure de la jeunesse de la troupe et de l'homogénéité de la troupe. Je ne pourrais pas donner la parole à tout le monde, mais c'est vrai qu'à chacun, on a envie de demander, mais et vous, la comédie musicale? Voilà, on est dans une émission qui célèbre la comédie musicale depuis bientôt 10 ans sur France Musique. Vous, quel est votre parcours? Racontez-nous un petit peu. Moi, je me rappelle que j'avais été bluffé par votre performance dans Cat, très groovy. Hein. C'était pas du tout là pour le coup, c'était très jazzy. Vous interprétiez un solo. Donc, c'était Macavity, J'étais le chat, j'étais Déméter. Et donc, il y avait Machiavelli et l'entrée de Crisabella. Et c'est pour moi une expérience absolument extraordinaire, puisque on a travaillé vraiment sur une œuvre qui, comment je pourrais dire, dont le personnage qui est construit est au-delà, enfin c'est pas un personnage humain, et donc je trouvais ça absolument fascinant de travailler sur la corporalité, sur et en fait de jouer sans parler. Et votre parcours donc, depuis quand faites-vous de la comédie musicale? Alors j'ai commencé par un stage avec l'ICOM, et c'était Grease. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et donc je pense que je devais avoir 13-14 ans, et j'ai toujours dansé. J'ai commencé par la danse à 3 ans et demi, et c'est ma passion. Enfin, moi, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait vivre. Et ensuite, voilà, je suis montée à Paris quand j'avais 18 ans, j'ai fait une école, et puis après, j'ai commencé à faire des spectacles pour enfants. J'ai fait Prince et Princesse au Théâtre Antoine, et ensuite, un spectacle à Disney et Cats. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Nzouzi. Est-ce que je vais poser la même question? Oui, on peut l'applaudir, bien sûr. Je ne poserai pas la même question à Alexandre Petroni. Vous avez votre ticket à 42e rue parce que vous venez... ça fait combien de fois que vous venez ici? C'est la troisième, j'ai pris l'abonnement. Oui, voilà. Au bout de la cinquième, vous avez un sixième fois gratuit. Oui, c'est ça. Et en même temps, je vais vous dire, cher public, mon amour, je ne sais pas très bien pourquoi vous êtes dans Grease. Car vous avez un rôle qui ne chante pas. Moi non plus, je ne sais pas ce que je fais dedans. Je te rassure tout le monde. Vous incarnez Eugène, donc le faillot du lycée, avec des lunettes que vous avez mises ce matin. Ce sont vos lunettes de scène ou les vraies? Non, c'est mes lunettes à moi. J'ai la joie de porter deux petites loupes dans la vie. Excusez-moi. Qui ressemblent un peu... T'es pas gentil, ça. Non, t'es pas gentil. Qui ressemblent un peu en même temps à mon personnage d'Eugène, effectivement. Bonjour. Votre émission, je vous adore. Bonjour. Oui, non, deux secondes. Parce que Eugène, excusez-moi, qui êtes-vous, madame? Je vous remercie. Je me permets de vous présenter Miss Lynch, qui est la directrice de Rydell. Voilà. Qui est incarnée par Céline Broussard. Elle est un peu surexcitée comme ça. Oui, mais parce que ça fait une heure que je vous cherche. Ça doit être la chorale à 11h. Il est déjà 11h53. Peut-être que je l'ai vu. Alors, on est en plus dans un timing de radio. Je tiens à prévenir tout le monde qu'on nous a dit. Ah oui. Vous avez en tout cas parté sur vos improvisations, mais vous avez jusqu'à 55. Laurent nous a dit, je tout vous à fait. Donc, voilà, il est très gentil. Ce qui nous laisse exactement deux minutes. Allez. C'est parfait. Eh ben c'est parfait. Pour faire quoi? Alors, on tient à dire quand même que dans ce spectacle, j'ai la joie d'interpréter la chanson phare de Grease, qui est le tube. Qui est Alma Mater, qui est l'hymne de Rydell. Alors, j'en profite pour faire une annonce rapide. Hein. Je suis pour l'instant tout seul dans cette chorale, donc n'hésitez pas à vous joindre à moi. Oui, voilà. Écoutez, c'est très bien. Allez-y. Roulant sur l'autoroute de la vie, je me souviendrai à chaque péage, que je suis un être épanoui, parce que Rydell fit mon apprentissage. Alors c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de chanter cette chanson. Oui, c'est très gentil, mais vraiment, dépêchez-vous. Vraiment, il est 11h54, Toutes ces années, Rydell, tu as Rydell guidé chaque pas de ma vie. Alors le chant, c'est pas votre truc. Je sais pas la tonalité, là, j'ai l'impression. Il y a quelque chose, non, c'est ça? Oui. Merci, Dominique. Et pour toujours, Rydell, je trinque Rydell à ta santé, Rydell, chérie. Oh là là, bon écoutez, chers auditeurs, voilà, il est 11h54, c'est vrai que 42e rue va bientôt s'arrêter. Alors, pour les enfants qui ne sont pas encore venus à la comédie musicale Grease, sachez que nous sommes jusqu'au 8 juillet à Mogador. Et pour les adultes qui ne sont pas encore couchés, c'est pareil. Voilà, c'est la même chose. Alors, merci à Laurent Vallière pour son accueil dans cette émission. Merci, très gentil. Et je vous propose, Miss Lynch, qu'on finisse ensemble. Évidemment. Toutes ces années, Rydell, tu as Rydell guidé chaque pas de ma vie. Et pour toujours, Rydell, je trinque Rydell à ta santé, Rydell, chérie. Thank you. electric fight. À la troupe de Grease au complet en direct ce matin sur France Musique. Il y avait Loya Rahman, Dorian Ben, Thomas Bernier, Michelangelo De Marco, Fanny Delegue, Mélissa Dossin, Alexandre Fetrouni, Céline Groussard, Emmanuel Guélin, la danse captain, Astou Malva Gay, Véronique Atta, Julien Husser, Lily Kerouas, Alizé Lalande, Sébastien Lemoine, Alexis Loison, Sarah Manès, Marianne Millet, Emmanuel Nzouzi, Jérémy Petit, Yannick Siamed, David Solazzo et Florie Souris. Vous pouvez retrouver les vidéos de 42e rue sur francemusique.fr et vous pouvez aller voir Grease au Théâtre Mogador jusqu'au 8 juillet. Catherine Dérété, Jean-Benoît Tétu, Stéphane Touvenin, Bastien Varigaud, Dimitris Capolan, Perrine Mingui, Martine Moni, Laurent Vallière. On vous souhaite un très bon dimanche. Dans un instant, c'est Jean-Baptiste Urbain que vous retrouvez. À réécouter sur francemusique.fr.